إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد دونك je tiens, ça nous l'est fait, ça fait très longtemps, ça fait depuis très longtemps que je tiens en vivant ou en créole, parce que je connais un pile musulman qu'on est en Haïti, puis même à Montréal, il y a un pile musulman qui est haïtien, qui est d'origine haïtienne, mais en particulier en Haïti, parce qu'il y a un pile qui, peut-être que français n'est pas tellement venu fort, n'est pas comprendre tout ça, nous qu'à expliquer en français. C'est peut-être ça me pensait à Mounsayo, puis il m'était envie de faire un cours en créole depuis longtemps pour m'expliquer le fondement de l'islam pour Mounsayo. Puis donc, c'est peut-être ça, je veux dire, me commencer, me décider pour me prendre initiative ça, pour me commencer à expliquer un petit livre sur l'islam en français, en créole. Et donc, m'a commencé, Inch'Allah. Et puis, m'espérer que ça a bénéfique, Inch'Allah, pour tout le monde qui est en Haïti. Et puis, qui, tout l'autre Haïtien qui part en Haïti, mais qui est dans l'autre côté, soit aux États-Unis, ou bien soit en Europe ou ailleurs, Inch'Allah, il y a qu'à suivre Koussa, puis il y a qu'à, Inch'Allah, apprendre religion, si vous acceptez l'islam. Et puis, si vous pouvez encore accepter l'islam, mais peut-être qu'il y a réfléchi pour yon kon sak réalité religion ça, parce que nous connaît que qu'on y a dans médias, dans télévision, dans journaux, dans radio, tout côté, y a attaqué l'islam, puis y a montré que musulmans c'est terroristes, puis c'est monde qui a fait violence, puis bagaille comme ça. Puis nous connaît qu'en réalité ça, c'est pas la vérité. En réalité, son propagande y a fait pour yon sali image musulman yo. Puis la vérité c'est que l'islam interdit tout ça qui a une relation avec les terroristes, mais c'est des gens qui parmi les musulmans yo, des fois qui dévient tout, ils font un paquet de bagages qui en contradiction avec l'islam, mais c'est pas tout ça musulmans ont fait que nous acceptons, parce que nous connaissons que par exemple des chrétiens tout qui ont fait terroristes, des juifs qui ont fait terroristes, des hindous, bouddhistes, des gens dans l'autre religion yo tout qui ont fait terroristes tout. C'est peut-être ça nous même nous dit que l'islam n'est pas en accord avec ça, Mounsayo a fait. De toute façon, on a commencé un petit livre qui relève en arabe Al-Aqidatu Sahiha, Wama Yudaduha, wa Risalatul Ma'iyah. Donc, ça, c'est un petit livre qui relève la croyance qui est correcte et ça qui vient en opposition avec lui. Et c'est un cheikh qui relève Al-Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, qui écrit le livre ça. D'accord? Ce sont très grands savants de l'islam. Et ça, il était mufti général de l'Arabie Saoudite avant, parce que qu'on a mouru. Mais, là, il était en vie. Bon, c'est lui-même qui était plus haute autorité religieuse en Arabie Saoudite. Et il m'était gagné occasion pour m'était rencontrer lui en personne une fois. Et son homme qui est extraordinaire. Il était né en 1914 et il mourit depuis pas longtemps, ça fait environ peut-être 5 ans que il est mort. Donc on a commencé le ça inchallah, Cheikh nous dit bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wahda was salatu was salam ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi. Donc façon que je fais moi-même les m'a pas un cours sur l'islam, ça me remet premièrement le livre là en arabe, m'a pris un petit passage en arabe, puis m'a expliqué ça signification de samteli en arabe, m'a expliqué en créole pour que tout le monde ça comprenne, parce que me paraît me fait tout bail directement dans en traduction, parce que nous pas en référence dans vrai langage, que dans vrai langage révélation, dans qui langage révélation était descendu en premier, c'est-à-dire en arabe. C'est peut-être ça là nous en référence n'a qu'à comprendre vraie signification moyo, parce que son bail qui rivait même dans le christianisme, parce qu'on connaît que il traduit la Bible dans paquet langue, mais pas un pile chrétien, pas un pile chrétien qui a retourné à langage original, c'est-à-dire le grec antique ou bien l'hébreu ou l'araméen. Pas grand pile chrétien qui connaît langue ça. C'est peut-être ça, grand pile erreur qui arrive dans la traduction de la Bible à cause de mauvaise traduction qu'ils ont fait, puis ils ont interprété en pile bagaille en contradiction avec vrai message, ça l'autre prophète nous t'a dit. C'est peut-être ça, moi-même, j'aimerais mettre en pile importance sous langage original, là, c'est-à-dire sous langage arabe. Là. Puis, bien entendu, c'est pas en condition pour un musulman qu'il connaît pas les arabes. Et l'islam, c'est pas une religion pour arabes seulement, c'est une religion pour tout peuple, pour tout le monde. Son message universel lié. Parce que le prophète, là, Allah t'a voyé prophète ça, c'est-à-dire Dieu t'a voyé prophète ça pour toute l'humanité. Hein? Donc, yani, l'homme dit ça, c'est pour nous comprendre que, yani, on sort d'incitation, puis on sort d'encouragement pour que le monde qu'a apprenne. Il n'est pas obligatoire, c'est pas un bail qui, conditionnel, sauf que si nous apprenons lui, là, bon pour nous, parce que nous sommes capables de comprendre vrai message là, directement, nous pas besoin de passer par un monde qui a traduit ou qui a, interprété bagage pour nous. Puis des fois nous pas connaît des gens qui ont mauvaise intention, qui a transformé ou mal interprété ou déformé réalité message là, puis nous mêmes n'a tombé dans erreur à cause de ça. Bon, m'a commencé ça, Cheikh l'a dit en premier, c'est au nom de Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah lui seul, hein, et que la paix et le salut soient sous prophète lui, les voyez salut et les voyez paix sous prophète là, et sous tout le monde qui suit prophète là, parmi compagnons lui et parmi tout le monde qui tape suivre lui, qui tape suivre religion lui jusqu'à jeudi, hein. Même aujourd'hui, hein, le monde qui musulman cap suivre prophète là, bon, il est sous le droit chemin, nous voyez paix et salut sous lui tout. Et après nous dit amma ba, c'est-à-dire ensuite, فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال كما قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Bon, Cheikh l'a dit, là nous réaliser importance en bon croyance, c'est-à-dire que vous avez une croyance qui est en accord, qui est correcte, qui est en accord avec fondement l'islam. Hein, et que ça, c'est ça qui, en réalité, base religion, hein, hein. Donc, Cheikh l'a dit que lui choisit un sujet ça, c'est-à-dire la croyance correcte, lui choisit sujet ça pour faire une conférence sur sujet ça, parce que lui voit que son bail qui est fondamental et qui est important pour nous comprendre réalité religion, hein, qui s'allie. Et après, il dit, Lorsque nous commençons à étudier preuve de la charia, c'est-à-dire preuve religion, révélation, qui vient dans le Coran, dans le Coran et dans la Sunna, exemple prophète, parole et action prophète, là, hein, sallallahu alayhi wa sallam, nous réalisons, nous étudier preuve, ça y est, que pas gain en action qui est correcte ou en parole qui est correcte ou acceptée de Allah, Allah pas accepter en parole ou en action que nous fait, excepté si action ça nous fait lier avec en croyance qui est correcte, qui est bon. Si croyance nous est incorrecte, et si nous fait, et si nous avons croyance qui en contradiction avec révélation, hein, et ben tout ça n'a fait, tout ça n'a dit, Allah pas accepté, Allah pas accepté au jugement dernier. Et c'est peut-être ça, lui mentionner un verset dans le Coran qui dit, et quiconque rejetait la foi, alors toute action lui a annulé, il n'a pas gagné aucune récompense pour action lui, et dans l'au-delà, là parmi les gens qui étaient perdants, ok. Et il dit dans l'autre verset tout, et nous t'ai révélé à nous-mêmes, c'est-à-dire au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et nous t'ai révélé à nous-mêmes et à l'autre prophète, nous qui t'ai venu avant nous, que si nous fait, si nous baille Allah, si nous baille Dieu, un partenaire, ou un associé, dans l'adoration que nous vouer à Allah, si nous baille un partenaire, eh bien, toute action que nous avons fait, et tout ça que nous faisons dans l'adoration, eh bien, il n'y a pas accepté, il n'y a nul, il n'y a pas bien aucune valeur pour Allah, et puis, n'a pas mis monde qui était perdant, et qui prend dans l'enfer. Donc, ça veut dire, qui ça voulait dire, il nous dit, ash-shirk, c'est-à-dire, les gens adorent Allah, mais ils adorent avec lui, en l'autre monde, c'est-à-dire que, ils prient Allah, mais lui prier en l'autre monde avec lui en même temps, ou bien lui prend en intermédiaire, ou bien en intercesseur pour lui atteindre Allah. Et intermédiaire ou intercesseur, ça lui gagne droit n'importe qui bagaille ou n'importe qui monde. Gain monde qui prend en prophète, tant qu'on intermédiaire, tant qu'on ça chrétien a fait, il prend Jésus, tant qu'on intermédiaire, ou bien il prend Marie, ou bien il prend un saint, et gain l'autre monde tout, ça y a fait, y a prend en loi, hein, tant qu'on nous n'a pas fait voodoo, y a prend en loi, tant qu'on intercesseur ou intermédiaire pour y atteindre Allah, là y a prié à travers intercesseur, intercesseur ça y a, ou bien intermédiaire ça y a, et ça c'est lié dans l'islam, lié les shirk, lié les shirk. Ok, et ça il voulait dire que vous mettez en partenaire ou en associé avec Allah, ou bien vous faites en association avec Allah dans l'adoration. Mais ça n'a rien à expliquer plus en détail plus tard, parce que Cheikh n'a pas venu dans un passage qu'il a expliqué par ça en détail. Toutefois, nous avons besoin d'expliquer ça, ben ça signifie bien pour que nous comprenions ça lié, parce que c'est en réalité c'est ça qui fondement et c'est ça qui base l'islam là. Bon, maintenant gen moun yo associé tant que ça nous dit, nous te dit que gen moun k'ap associé saint, gen moun k'ap associé loi tant que catholique yo, chrétien yo, hein, gen moun ki associé Jésus directement, yo prie à Jésus pour yo aller à Dieu. Gen moun ki ça yo fait, yo prend un ange, hein, yo prie ange. Gen l'autre moun ki ça yo fait, yo prend un intermédiaire par animal, et yo prend pour yo prier animal yo, tant que hindou, tant que dans l'autre religion, animé, ce qu'a adoré, esprit, bagay sa yo. Et gen l'autre moun tout, qui sa yo fait, yo prier pierre, yo adoré roche, yo adoré arbre, hein, ou bien, qui sa yo fait tout, yo adoré la lune, le soleil, ou bien l'autre bagay tout, idole, statue que yo fabriqué avec propre main yo prend yo tant que divinité, tant que Dieu. Donc, toute bagaille ça, yo entraînant, ça nous relé shirk, c'est-à-dire association. Et ça, shirk, c'est le plus gros péché que on a fait, hein, et c'est péché ça que Dieu n'a pas donné au jugement dernier. Et tout le monde qui fait ça, qui fait shirk, ou bien qui rejetait Allah, la foi en Allah, eh ben, toute parole, toute action, même s'il t'a fait en pile bon action, même si c'était un monde qui était juste, qui était honnête, qui t'a fait en pile bon bagaille, eh bien Dieu n'a pas accepté en rien de ça t'a fait, excepté si c'est un monde qui adorait Dieu directement et qui adorait Dieu seul et qui n'a pas associé en rien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un bail très important pour nous comprendre, ok, si nous voulons comprendre l'islam comme il faut. Donc, Cheikh Laki Salvi après, il dit « وَالْآيَاتُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ وَقَدْ دَلَّ كِتَابُ اللَّهِ الْمُبِينَ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ الْأَمِينَ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ عَلَى أَنَّ الْعَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ تَتَخَلَّصُ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز وبعث الله بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. Donc ça que Cheikh l'a expliqué Kounia, il dit que versets ça que nous mentionnons là, yo en pile na Coran. En réalité, nous mentionnons deux seulement, mais nous t'es qu'à mentionner aux dizaines et même plus de versets qui mentionnent les mêmes principes. Là. C'est-à-dire que les hommes a fait une action ou les lisons parole, si parole ça, si action ça, les gain shirk la donne ou bien les basés sur une croyance qui est en contradiction avec ça, Dieu t'est révélé, les papes acceptent, Allah n'a pas accepté. Donc, verset ça yo en pile dans le Coran et un exemple parole prophète yo en pile tout et yani nous demander Allah subhanahu wa ta'ala pour voyer salut et paix sous prophète li en tout et après ça qu'est-ce que ça nous dit Cheikh Landi donc nous ka comprendre nous fin comprendre principe ça yo nous ka comprendre que la croyance islamique li basée sous 6 points et 6 points sérieux qui sérieux c'est premièrement la foi en Allah, c'est-à-dire que nous avons croyance, on foi en Allah qui est correct. Deuxièmement, que nous croyons en ange, que ange existait, hein, nous croyons en livre que Allah t'a révélé, yo, parce que Allah t'a révélé un paquet de livres à différents prophètes, nous pourrons expliquer bah, ça, tout bah, ça, en détail, hein, après ça, Cheikh l'a dit. Et faut nous croire également dans le jour dernier, c'est-à-dire le jugement dernier après la tout ça qui a privé nous après la mort et au jugement dernier et après ça ça qui a privé après, c'est-à-dire le jugement et le paradis et l'enfer et tout bas ça nous pourra expliquer autour. Après ça bon l'autre principe qui relève al-qadar al-iman bil qadar, c'est-à-dire pour nous croire dans la prédestination de Allah, tout ça qui arrive nous dans la vie, Allah t'a écrit, il te connaît, tout ça qui t'a pu arriver jusqu'à la fin des temps, et il écrit tout ça qui peut arriver, et pas grand rien qui peut arriver dans la création, excepté que c'est en accord avec volonté, Allah, pas grand rien qui peut arriver, excepté si Allah, t'a décidé, et donc, si on va avec Allah pas voulu, ben, il n'est pas arrivé. Ça, c'est important pour nous comprendre, et que tout ça qui existait, c'est création Allah. Que ce soit dans bail qui bon ou qui pas bon, tout ça qui existait, c'est Dieu qui crée. Il n'y a pas grand rien qui sortit dans la création qui n'est pas créée par Allah. Donc, après, Cheikh Lan dit que 6 principes sérieux que nous avons mentionnés, c'est fondement croyance islamique là, et c'est donc fondement pour une croyance qui est correcte. Et, c'est avec croyance sérieux que Allah t'a voyé livli, c'est-à-dire le Coran, et que l'il t'a voyé tout prophète lié, et en particulier qu'on n'y en a pas les deux prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui-même qui était dernier prophète là, et il dit que à partir de principe ça y est, nous qu'à comprendre hein, sa croyance là, signifiée dans l'islam, c'est-à-dire l'iman hein. Et bon terme que nous utilisons là, nous dit en croyance en arabe, nous utilisons en croyance en terme qui en arabe qui nous dit al-aqida, et al-aqida il signifie la croyance correcte, al-aqida as-sahiha, c'est-à-dire la croyance qui est correcte, et la foi en arabe son mot que nous dit al-iman, al-iman c'est la foi. Donc, en même temps, m'a pas prendre nous quelques petits mots en arabe pour nous connaître la terminologie islamique yo en arabe. Hein? L'on a connaître tout terme ça, la paix de nous, en pile dans la compréhension de l'islam. Après qu'il sache, il dit, ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا فمن ذلك قول الله سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية وقوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Bon, on a commencé par expliquer verset Sayo et après ça nous allons continuer lecture dans le livre là. Ok, Cheikh lundi que à partir de principe de six piliers ça nous qu'a expliqué que nous avons obligation pour nous croire dans tout ça qui vient dans l'invisible que Allah t'a informé nous dans l'ivli et que le prophète là t'a expliqué nous également dans parole li, c'est-à-dire dans la sunna tout. Donc pour nous croire dans tout ça Allah t'a expliqué nous de bagay qui que nous pas kawé avec genou mais il a existé, nous relais ça al ghaib, c'est-à-dire l'invisible. C'est-à-dire tout ça que qui existait que Allah t'a créé mais que nous pas kawé avec genou tant coup angio nous pas kawé yo et gain l'autre créature tout qui relais djinn, nous pas kawé djinn ça yo, sont l'autre créature qui existait qui parallèle avec être humain, hein, yo gon libre habit tant coup être humain mais yo pas nous pas kawé yo. Et en réalité, ça voudouisant yo adoré, que yo prend un coup intermédiaire entre yo même pis Allah, et que yo croit que c'est esprit yo, en réalité c'est djinn yo yé. Hein? Et en réalité, c'est djinn ça yo cap jouer avec yo. Et yo pense que yo gon pouvoir, en réalité c'est des créatures d'Allah. Hein? Et yo soumis, et gain parmi yo qui croyant, qui soumis, qui musulman, puis gain l'autre djinn yo tout, qui pas croit en Allah et qui tant coup diable, il a vivre tant coup diable, puis il a fait un pile bagaille pour yo égarer être humain. C'est peut-être ça et vous disant yo c'est djinn ça yo, c'est diable ça yo que y a suivre et que y a prendre tant coup intermédiaire entre yo même puis Allah, puis yo ba yo en adoration en dehors d'Allah. Donc c'est peut-être ça yo dévié. Donc ça son bail un exemple dans principe de al-ghaib que nous supposer quoi. Puis également gain l'autre principe dans al-ghaib tant que le jugement dernier et le paradis et l'enfer tout ba ça yo nous pas kawé yo mais faut nous croire que yo existé. OK, pour que ça nous croire dans ba ça yo parce que nous avons preuve de existence yo dans le Coran et dans la Sunna. OK, et Sunna c'est Sunna qui est authentique parce que nous connaît que gain hadith gain parole prophète qui que moun inventé que yo rajouté. Mais nous qu'à distinguer entre parole ça yo puis ça qui est authentique puis ça qui pas authentique parce que savant de l'islam yo gain un système puis yo gain science que yo utiliser hein qui qu'à vérifier toute authenticité parole prophète là avec une chaîne de narrateurs que chaque hadith possédait. Donc ça n'a bien à expliquer lui dans l'autre cours que n'a fait dans l'avenir inshallah. Mais en attendant, m'a juste expliqué nous principe de la foi pour nous commencer à avoir une bonne compréhension. Après ça, nous allons élaborer sur l'autre principe, inshallah. Donc, qui sache lundi, il dit que preuve pour six fondements que nous sommes expliqués, yo en pile dans le Coran et dans la Sunna, en pile verset qui mentionnait que faut nous croire dans six bagages ça yo. Parmi preuves ça yo, il mentionnait un verset qui dit que la bonté, hein, bonté, c'est pas de seulement que vous tournez visage vers l'est ou vers l'ouest, hein, mais la bonté en réalité, c'est que vous croyez en Allah, au jour dernier, aux anges et aux livres et aux prophètes, hein, non prophètes, yo. Donc, ça, c'est un verset qui mentionnait le principe de la foi. Mais il n'est pas mentionné 6 sur, mais il est mentionné 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il est mentionné 1, 2, 3, 4, 5. Il est mentionné 5. Il y a l'autre verset, il est mentionné 5 tout. Mais 6e note, c'est-à-dire Al-Qadar, il est mentionné dans l'autre verset. Il y a l'autre verset qui est mentionné séparément. Mais il y a tout fait partie de le principe de la foi. Donc, verset ça lui mentionnait la foi en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc ça fait 5. Et quand l'autre verset tout que lui mentionnait, Cheikh l'a mentionné, il dit Allah, un prophète dans Kouena, ça, Allah t'est révélé, lui, ou en ça qui t'est révélé sous les deux Seigneur, lui, c'est-à-dire de Allah, et également croyant, yo, tout le monde qui croyant, yo, Kouena, dans ça, Allah t'est révélé tout. Yo kwen dans le Coran dans tout. Et tout, yo tout kwen dans Allah, dans l'ange, dans le livre, dans le messager. Et yo pas fait une distinction entre un prophète et un autre. Yo kwen dans tout messager en entier. Tant que juif, yo par exemple, yo kwen dans Moïse, yo kwen dans l'autre prophète, mais yo pas kwen dans Jésus. Et yo pas kwen dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que un chrétien, yo dit yo croit en Jésus, yo dit yo croit en Moïse et en l'autre prophète, yo, mais yo refuse de croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que tout message ça yo tout vient avec même message fondamental là, c'est-à-dire que nous adorer Allah et que nous pas associer rien avec lui dans adoration nous, eh ben yo pas gain un argument, yo pas gain une raison pour yo refuser prophète Mohammed là, mais c'est justement parce que y a suivre passion yo et yo refuser la vérité. Bon, on a bien expliqué ça en détail tout, plus loin, Inch'Allah. Ensuite, Cheikh l'a mentionné dans l'autre verset dans le Coran qui dit, oh vous les croyants, faut nous croire dans Allah et dans le messager et dans le livre, hein, le Coran, que Allah t'a révélé sous messager, c'est-à-dire sous Mohammed, et en tout en livre que lui t'a révélé avant Coran, c'est-à-dire tout livre qui t'est révélé avant, tant qu'Al-Injil, qu'Allah t'est révélé sous Jésus, ou bien on l'autre livre qui révèle la Torah, c'est-à-dire ça qui t'est révélé à Moïse, hein, et on l'autre livre que Allah t'est révélé à l'autre prophète, yo. Et faut nous croire en Allah et en Zangio et en Livio et en Messager, yo, et au jour dernier, hein, et tout le monde qui refusait de croire en Allah et en Anjou et en Livio et en Messager et au jour dernier, eh bien, ils ont égaré dans un égarement lointain. Et quand l'autre verset que Cheikh l'a mentionné tout le temps, Alam ta'alam anna Allah ya'alam ma fi s-sama'i wal-ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir. Donc, Cheikh Lam Kounia, il mentionne dans l'autre verset pour prouver sixième pilier, c'est-à-dire Al-Qadar, c'est-à-dire la prédestination, et il dit, ne savez-vous pas, hein, est-ce que nous pas connaît que Allah, il connaît tout ça qui vient dans les cieux et sur la terre, et que tout bagage ça y est écrit dans un livre, et ça, il est facile, il est très facile pour Allah. C'est-à-dire que tout ça qui est dans l'univers, Allah t'a écrit lui, et tout ça qui a privé, il est écrit dans un livre. Et Allah connaît ça qui a privé, il te connaît avant que l'arrivée, il te connaît lui. Donc, Allah connaît toute bagaille. Donc, après, il dit, أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جدا منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. هذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وفي أمر الميعاد وغير ذلك من أمور الغيب. Donc, Cheikh Kounial dit que maintenant il finit de mentionner tout verset dans le Coran, pas tout verset, mais en partie de certains versets qui mentionnent les principes de la foi dans le Coran. Kounial a mentionné Ahadith qui prouvait le principe de 6 piliers de la foi que nous avons mentionné plus tôt. Et là, Kounial dit que parmi les preuves, parmi les Hadiths, il y a un Hadith qui est très célèbre qui était rapporté par l'imam musulman dans livre qui relie Sahih Muslim, ok, et faut nous connaître que dans le livre Hadith, il y a deux livres en particulier qui sont plus authentiques, parce que tous les autres livres, c'est après Coran, c'est le Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Depuis nous, un Hadith, et nous voyons qu'après Hadith, il y a dit rapporté par al-Bukhari, ou bien il y a dit rapporté par l'imam Muslim. Ça veut dire hadith ça, ou bien doit prendre lit, pas de problème, parce que ce soit hadith authentique. Ok? Toutefois, des fois, faut nous faire attention, parce que, il y a une traduction, parfois, qui pas tellement bien. Des fois, il y a qu'à traduire hadith en façon qui pas correcte. En particulier, livre qui sort Liban, des fois, il y a un livre qui sort Liban, il y a traduit livre, d'une façon qui très littéraliste. Dans le sens que, ils utilisent un dictionnaire, mais ils ont pas, des fois c'est chrétien, arabe, qui a traduit les livres, ils ont pas connu l'islam, et donc, ils ont traduit terminologie, ils ont juste checké dans, ils ont juste vérifié dans le dictionnaire, n'importe qui mot, ils ont juste écrit, ils ont pas connu ce contexte-là, puis aller bien avec ça, hadith-là, à expliquer vraiment, c'est peut-être ça pour nous faire très attention, nous lisons en hadith, non, en traduction qui pas, qui traduit par monde que nous pas connaissons. Nous pas connaissons si c'est monde qui a une bonne connaissance dans l'islam et une bonne connaissance dans la langue française. Hein, donc, faire attention, nous, on conseille en même temps pour nous faire attention à Bagasayo parce qu'il est très important pour nous donner une bonne compréhension de l'islam. Après, Cheikh Lan dit que hadith ça, le hadith que n'a pas les langues, qui est rapporté par l'imam muslim, c'est un hadith selon Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et ça c'est un des plus grands compagnons prophète là, et c'est donc Omar ibn al-Khattab qui était deuxième calife, deuxième successeur de prophète là, après prophète n'a mouru, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un sahabi, un compagnon, plus grand compagnon qui était succédé, lui, c'était Abu Bakr As-Siddiq, et après, il y a l'autre qui suivit lui, après Abu Bakr As-Siddiq mouri, le fin mouri, c'est Omar ibn Khattab qui prend place lui, et Hadith ça, c'est lui-même qui mentionnait, parole prophète, l'ana Hadith ça, il dit que Jibril, c'est-à-dire l'ange Gabriel, c'est l'élite descend pour venir demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quelques questions sur la religion. Ok, le prophète ange Gabriel est venu sous la forme d'un homme pour demander au prophète là quelques questions sur la religion, en même temps pour le bail en sorte d'éducation, en sorte d'enseignement à l'autre compagnon qui était chita avec le prophète là, pour tendre ça. Le prophète là a dit, là lui poser question ça yo. Donc, les vini puis demander le prophète en question au sujet de l'islam. Il dit qu'il sait l'islam, et le prophète l'a expliqué, il dit que l'islam, c'est, il a expliqué 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire que, ou témoigner de la ilaha illallah, c'est-à-dire ou témoigner que pas grand-rien qui méritait l'adoration excepté Allah, puis ou témoigner que Muhammad c'est messager Allah lié. Après ça, ou établir la salat, c'est-à-dire ou prier 5 fois par jour. Après, ou faire zakat, ou payer en partie de bien ou de ça ou gain comme cob ou l'argent, ou bailler un pourcentage de argent ça chaque année, les zakat. Et ça, c'est pour riches, ou bailler pauvres, monde qui pauvre, ou bailler on pense de ça yo possédé. Et Gengen vient qui a venu avec sa main, nous pas entrer dans le détail ça yo Kounia, c'est juste m'a expliqué en résumé. Après ça, il mentionnait que grand jeûne qui relait le jeûne du Ramadan que nous fait une fois par année, et après il mentionnait que gain on notre obligation qui relait Hajj, et ça son pèlerinage à la Mecque, et ça l'est obligatoire pour chaque musulman une fois dans vie. Les yo gen moyen pour yo aller à la Mecque, yo ont obligation pour yo aller là-bas. Donc, et nous connaît que la Mecque c'est en Arabie Saoudite. Donc, après ça, prophète Gabriel, l'ange Gabriel dit, mais Gabriel vini, il pas dit, nous n'yons pas connaît que c'était un ange Gabriel, là, mais c'est le prophète là qui dit ça. Après l'élifine aller, il dit ça, c'était l'ange Gabriel qui est venu pour lui apprendre nous, religion nous. Hein? Après ça, Gabriel posait une deuxième question, il dit, expliquez-nous ça que la foi, ça que l'iman, qui s'allie. Et là, le prophète l'a dit, l'iman, c'est que vous connaissez Allah, vous connaissez Angio, vous connaissez Livio, que Allah t'a révélé, ou croyez dans le messager que Allah t'a envoyé, et ou croyez dans le jour dernier, et ou croyez dans la prédestination, ça qui vient dans la prédestination que Allah t'a créé, que ce soit bien ou mal, faut croire que Allah t'a prédestiné. Et il mentionne tout, il n'est pas mentionné tout le hadith là, mais il mentionne juste qui parlait de la foi, parce que c'est de ça que l'a parlé dans le livre ça. Il parlait de la croyance correcte, donc il voulait insister sur partie de hadith qui parlait de la foi. D'accord? Donc, Cheikh là, il mentionnait ça seulement. Après, il dit que hadith ça, il mentionnait, comme ça nous t'a dit avant, il mentionnait pas Al-Bukhari et Muslim. Selon Abi Huraira, et il dit que 6 piliers de la foi, à partir de 6 piliers de la foi, gain l'autre principe qui vient tout, hein, et qui, disons, nous qu'a extrait de six piliers ça, tout ça qui oblige, obligatoire pour un musulman, pour le croire, pour le grand croyance correcte à propos de Allah, et à propos de la résurrection, et à propos de tout ça qui vient à propos de bail de l'invisible, hein, de Al-Ghaib. Donc, Cheikh Lan le dit, comment Kounia lui sort expliquer en général sa principe de la foi yoye, Kounia lui pral expliquer plus en détail chaque point et chaque principe de la foi en détail. Ok? Donc, nous pourrons commencer par premier principe de la foi, et premier principe de la foi qui s'allie, c'est la foi en Allah. Ok? Donc, premièrement, Cheikh l'a dit, فمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم ولذلك العبادة ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc Cheikh l'a dit que parmi principes de la foi en Allah, les nous dit que nous croyons en Allah, qui ça le dit que nous reconnaître et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est seul Dieu de vérité. C'est lui-même qui est seul Dieu de vérité. et c'est lui-même seulement qui méritait que nous adorions lui. Et tout ça qui existait en dehors de Allah n'est pas mérité que nous adorions lui en rien. Il dit, parce que, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah c'est lui-même qui créateur, créature, et créateur de tout serviteur, et que c'est lui-même qui baille tout ça qui est bon dans la vie, et qui est responsable pour lui baille tout subsistance, ça y a besoin dans la vie, tant qu'on mange, ça y a besoin pour vivre, vêtements, tout bagaille, c'est Allah qui baille ça, bagaille ça y a, et c'est lui-même qui est au courant de tout ça y a gain dans le cœur, ça y a caché dans le cœur, et ça y a dit ouvertement avec bouche, Allah connaît lui. Hein, même si vous combat ou pas dit avec bouche, mais ou pensez dans le cœur, Allah le connaît. Et c'est lui-même qui gagne la capacité pour lui récompenser tout le monde qui fait obéissance à Allah, et lui gagne une capacité également pour lui punir tout le monde qui désobéit lui. Et qui ça le dit encore, il dit que Allah t'a créé toute créature, être humain, être digne, et lui commander toute créature pour yo adorer Allah. C'est peut-être ça, Allah t'a créé nous, lui t'a créé nous pour nous adorer lui. Hein? Et ça, il mentionne lui dans un verset dans le Coran qui dit, et moi pas créé les djinns et les hommes, les êtres humains, excepté pour yo adorer moi. Et après, il dit, et c'est pas moi-même qui besoin en subsistance, et c'est pas moi-même qui besoin que yo nourrit moi. Au contraire, c'est moi-même qui abaille créature en subsistance, et c'est moi-même qui gagne en force absolue. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui abaille toute créature, ça a besoin, et lui-même, Allah, il n'a pas besoin de rien, parce que c'est lui-même, lui suffit à propre tête, lui, et lui n'a pas besoin en rien de personne, et lui n'a pas besoin de nourrir lui. C'est nous-mêmes qui besoin de Allah subhanahu wa ta'ala, et là nous adorer Allah, c'est pas parce que Allah besoin nous, c'est parce que c'est nous-mêmes en réalité qui besoin pour nous adorer lui, hein, parce que si nous pas adorer lui, eh ben c'est mal que nous fait à propre tête nous, hein, et Allah pourra le punir nous là nous pas obéir commandement lui. Donc après ça qui ça Allah dit, il dit wa qala subhanahu, il mentionne l'autre verset qui dit « Oh homme hein? » Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset ça l'a adressé à toute la créature et à tout être humain, il dit à tout être humain, même si vous croyant ou même si vous pas croyant, il dit adorer Seigneur nous, c'est-à-dire adorer son commandement pour toute humanité, adorer Créateur. C'est lui-même qui crée nous et qui t'a créé tout être humain qui était là avant nous pour que nous qu'à craindre lui, hein, et que nous qu'à gain à ta croi. Et à ta croi sont caractéristiques de monde qui croit en Allah et en même temps yo craint lui. Yo craint que si yo fait un péché, Allah pral puni yo, hein. Donc yo essayer éviter tout ça qui ka mené yo dans un châtiment de Allah. Et nous relé ba ça taqwa en arabe, hein, taqwa, c'est-à-dire on prend en protection entre vous-même et le châtiment de Allah en faisant ce que lui commandé nous pour nous faire et en nous éloignant de sa lité interdit nous, hein. Après, qui ça le dit? Cheikh Lan, il dit, وَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ Anna, il y a un verset un peu qu'on finit d'expliquer. Il dit, c'est lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a fait la terre pour nous, et qui fait de la terre tant qu'on tapit, qu'on a marché sous lui, et lui fait le ciel, hein, tant qu'on construction, hein, et qui fait descendre la pluie du ciel. C'est lui-même qui a fait tomber l'eau, l'aigle et la pluie, c'est lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait ça. Et c'est lui-même qui fait sortir tout fruit, et que nous mangeons, ça c'est en subsistance pour nous. C'est Allah qui t'a créé ça. Et donc, laisse-nous comprendre ça. Laisse-nous comprendre que tout ça qui est dans l'univers, c'est Allah qui t'a créé, et c'est Allah qui contrôle. Alors, nous ne pas supposer bailler Allah au partenaire, laisse-nous adorer. nous pas supposé adorer en l'autre avec Allah, c'est Allah pour nous adorer seulement. Et là nous comme ça, c'est peut-être ça Allah dit, hein, pas baili on partenaire, on égo, on baï ou prend ou mettez l'égalité avec Allah parce que nous connaît que c'est seulement Allah qui crée toute bagaille ça. Hein? Donc nous pas supposé entrer dans une contradiction entre croyance nous puis ça n'a pratiqué les nous adorer Allah. Tant qu'on gagne pile moun, tant qu'on moun kap fait association avec Allah, mushrikoun, hein, qui ça nous fait? Yo dit oui oui, nous croyons que gon seul Dieu, nous croyons que gon seul créateur. Mais là il y a eu un problème, il y a eu un ennui. Qui est-ce qu'on peut aller, qui est-ce qu'on peut aller, qui est-ce yo mandé? Yo pas mandé Allah directement, yo pas mandé Allah lui seul. Nous demandons en l'autre monde, soit en loi, soit en saint, soit en prophète, soit Jésus, soit Marie. Et puis, ils n'ont pas demandé à Allah directement. Hein? Donc, ça, c'est son contradiction liée. Parce que vous dites que vous croyez en Allah, que c'est Allah qui a contrôlé toute bagaille, que c'est lui-même qui crée tout, puis vous quittez Allah, puis vous demandez en l'autre monde. Hein? Donc, ben, ça, Allah pas accepté, et puis c'est ça qu'il déclarait comme étant de l'idolâtrie. Peu importe que vous protestant, peu importe que vous témoin Jéhovah, peu importe que vous vaudouisant, peu importe que vous vaudou, ou en bouddhiste, ou hindou, ou peu importe qui religion vous êtes, ou toute religion ça y est tombé dans, ça nous est le shirk, y est tombé dans le shirk, dans l'association avec Allah. Et c'est peut-être ça, il dévié de message prophète, il a quitté droit chemin, hein. Là il prend un partenaire entre lui-même et Allah. Après ça, qui ça l'a dit? Qui ça Cheikh l'a dit? Il dit wa qad arsala Allah ar-rusul wa anzala al-kutub li bayan hadha al-haqq wa ad-da'wah ilayh wa at-tahdhir mimma yudadduhu kama qala subhanahu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. Donc, là, qu'on y a un cheikh, là, il mentionnait l'autre verset, où il explique l'autre principe important, qui dit que Allah, le cheikh, là, dit que Allah t'a envoyé tout messager, et il t'a fait descendre tout livre, pour lui expliquer vérité ça, et pour lui appeler toute l'humanité à ça, c'est-à-dire que pour lui expliquer toute l'humanité que il t'a créé pour lui adorer lui. Et que lui voyait le prophète Sayo et le livre Sayo pour yo appeler l'humanité à adorer Allah seul et pour que yo éloigne yo de l'idolâtrie et de l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et il dit donc tout ça qui est en opposition avec fondement ça, hein, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, pour nous croire que Dieu ça, que nous avons adoré son Dieu unique lié, et donc les nous croyons que son Dieu unique, il faut nous adorer lui seul, directement, sans intermédiaire. Message ça, c'est message ça que Allah t'a envoyé tout message avec lui pour yo avertir l'humanité que si yo contredit message ça, c'est là yo bral dans l'égarement. Ok? Et donc, qui sache lundi après, il mentionnait quelques versets dans le Coran qui prouvaient principe ça, hein. Il dit, et nous t'a envoyé pas gain en nation à qui Allah pas voyé un messager pour lui dire adorez Allah seul et écartez-vous de tarout, hein? En arabe moi c'est tarout, et qui ça tarout noyé, tarout c'est tout ça mon a pas adoré en dehors d'Allah, que ce soit en idole ou en l'autre bagaille en dehors de Allah, tout ça nous adorer. Ou bien tout ça nous prend comme tant qu'on loi qui est en contradiction avec loi que Allah t'a révélée. Hein. Ou bien on principe, ou bien on être humain, que nous obéissons dans désobéissance de Allah. Nous suivons lui dans toute bagaille, même ça, dans ça Allah t'a interdit, nous prend tant qu'on en référence absolue, ça, son tarot, en tarot lié et tout. Donc, Allah t'a envoyé tout messager avec message ça à toute nation, à tout peuple. Ok? Et après ça, il mentionne un autre verset qui dit, tout messager que nous t'a envoyé avant, ou c'est-à-dire avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas de gain yon nan yon que nous t'a envoyé, excepté que l'été dit à peuple, que pas grand rien qui méritait l'adoration, excepté moi, alors adorer. C'est-à-dire, Allah t'a envoyé prophète yon pour le dit peuple yon, adorer Allah seul. Hein, pas grand rien en dehors d'Allah qui méritait que nous adorer lui. Hein, et donc, un être humain, un prophète, Jésus par exemple, son être humain, les qu'on mangeait, les qu'on boit, les qu'on dormit, les qu'on grand goût, hein, bon, faut aller dans la toilette, son être humain, les gens besoin tant que l'autre être humain, hein, donc, on monde qui gagne attribue ça, yo, n'est pas qu'un Dieu, n'est pas qu'un fils de Dieu, hein, donc c'est peut-être ça nous nous dit, n'est pas mérité l'adoration. C'est seulement Allah qui méritait l'adoration parce que c'est lui-même qui est créateur de l'univers, c'est lui-même seul qui n'a pas besoin de rien et qui est tout puissant et qui gagne le pouvoir sous toute bagaille. D'accord? Donc, c'est peut-être ça nous dit, seul ça qui méritait l'adoration, c'est Allah seul. Après, Cheikh l'a dit, وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Ça nous explique là après les livres ça pour un sont livres qui très clair. Allah t'a clarifié vers eux et il était envoyé et livre ça sont livres qui viennent de Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous connaît que Allah subhanahu wa ta'ala sont Dieu qui est sage et qui gagne en connaissance infinie, ok, et qui est informé de toute bagaille. Et après il dit que nous pas supposé adorer en rien excepté Allah, et il dit que message ça, hein, prophète dans son message lié et que les vini pour les avertir nous et pour les bailler nous en bonne nouvelle. Après ça, Cheikh l'a dit, wa haqiqatu hadhihi al-ibada fi ifrad Allah subhanahu bi jami'i ma tu'abbadu al-ibad aw ta'abbada al-ibad bihi min du'a'in wa khawfin wa raja'. وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرهبة مع كمال الحب سبحانه مع كمال الحب له سبحانه والذل لعظمته. وغالب القرآن نزل في هذا الأصل العظيم كقوله تعالى فاعبدوا الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقوله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بجميع ما أوجبه الله على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيله وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر. Donc, combien Cheikh l'indique que la réalité de adoration ça, c'est-à-dire que pour nous rendre toute adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est ça qui en réalité fondement religion, hein, et fondement adoration. Hein. Et donc, nous supposer fait que toute adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi adoration il mentionnait quelques adorations que nous obligés faire pour Allah subhanahu wa ta'ala et que pour nous supposer faire pour Allah uniquement. Et parmi adoration ça il mentionnait ad-du'a, c'est-à-dire l'invocation, les nous invoquer Allah et les nous implorer lui, c'est Allah seul que nous que pour nous implorer et nous pas le droit d'implorer l'autre avec Allah. Et également al-khawf, nous pas supposer craindre en l'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous pas supposer craindre en loi, nous pas supposer craindre en statut, nous pas supposer craindre en image, nous pas supposer craindre en saint, nous pas supposer craindre en ange, nous pas supposer craindre en ougan, nous pas supposer craindre en prêtre, nous pas supposer craindre en rien parmi en créature. Nous supposer craindre Allah seul, c'est Allah seul pour nous craindre. Et après, il mentionnait Ar-Raja. Ar-Raja, c'est-à-dire pour nous mettre tout espoir nous en Allah seul. Hein? Donc nous supposons mettre tout espoir nous en Allah seul et nous pas mettre espoir nous en l'autre créature parce que nous connaissons que créature yo qu'à mourir. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même seul qui peut mourir parce que c'est lui-même qui le vivant. Hein? Et également, les nous faire en salat, les nous prier, c'est Allah seul pour nous prier, les nous jeûner, c'est pour Allah seul que nous jeûner, les nous faire en sacrifice. Nous pas faire en sacrifice pour une loi, ou pour un saint, ou pour une image, ou pour un statut, nous sacrifions animal, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, tout le monde qui sacrifie pour autre que Allah, yo entrer dans le shirk, yo entrer dans l'idolâtrie et association. Également, les nous faisons vœux, nous pas faisons vœux pour un saint, nous pas faisons vœux pour une loi, nous pas faisons vœux pour une créature, nous, un djinn, nous faisons vœux pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Parce que, les gens nous connaissent, les ont besoin de bagailles, ils ont fait un vœu. Ils ont demandé un saint, ils ont dit, oh, si, oh, ils ont dit, ils ont mentionné non saint, hein, puis ils ont dit, si vous baillez moins baillez, si vous faites que je baille ça, eh bien, un bral baille, par exemple, on sorte de au monde, ou un bral baille, par exemple, $1,000 en charité, hein, puis on fait un vœu comme ça. Quel monde qui fait ça tout avec loyau, il dit, bon, si vous permettez-moi que je gagne telle femme, eh bien, un bral, en retour, un bral baille tel bagaille en sacrifice, ou tel autre bagaille. Baille ça, son sorte de shirk. Lire les nadr en arabe. Et on veut, le vœu que nous faisons, nous pas gain droit faire, on veut accepter pour Allah. Hein, les nous fait, on veut, c'est pour Allah seul. Et nous pas gain droit faire, on veut pour un bagage qui est interdit par Allah. C'est uniquement on veut dans un bagage qui est accepté et qui est permis dans l'islam que nous gain droit faire, on veut comme ça. Bon, n'a bientôt expliqué ça, ça plus en détail. Dans l'autre cours, parce que nous t'ai déjà fait cours en arabe, nous t'ai fait cours en français, sous toute bagaille, ça y est, nous expliquer en détail. Par exemple, nous t'expliquons un livre qui relève Al-Usul al-Thalatha, et lis là sur Internet, si y a un monde qui a accès à Internet, il y a qu'à écouter les, puis si vous suivez tout le coup, il y aura une bonne compréhension de principe ça. Dans l'autre livre, nous t'expliquer tout qui était les Al-Irshad, et dans le livre ça tout, nous expliquer bah, ça en détail tout. Donc, là, il y en a juste expliqué en résumé, parce que, bon, son introduction à faire. Ok? Et Cheikh là qui s'est dit après, il dit que, également, toute l'autre forme d'adoration que nous fait, yo, c'est pour Allah seulement. Par exemple, les nous humilier tête nous, c'est uniquement Allah pour nous humilier tête nous. Les nous gagner en amour, c'est en amour pour Allah seul que nous supposons gagner. Ok? Et les nous gagner en crainte, c'est pour Allah seul. Donc, tout ça, nous expliquer, c'est que toute forme d'adoration que nous fait, c'est uniquement pour Allah. Et donc, c'est toute vie nous qui supposait pour Allah seul, nous supposait vivre pour Allah, et nous posait tout ça que nous faisons dans la religion, nous pour nous adorer Dieu, pour nous rapprocher à Dieu, c'est pour Allah que nous supposait faire. Ensuite, Cheikh l'a dit que en majorité, les nous étudier Coran, les nous lire ça qui révèle dans Coran, nous voit que en grande partie les concentrer sur principe fondamental ça. C'est-à-dire que toute adoration nous supposée pour Allah seul. Tant qu'on lui mentionne un verset dans le Coran qui dit adorer Allah seul et pas by aucune forme d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans religion nous. Et toute religion, c'est pour Allah pur que nous supposons bailler en culte à lui seul et pas à rien en dehors de Allah. Et il mentionne un autre principe tout, un autre verset qui dit, et Allah t'a décrété que c'est lui-même seul pour nous adorer lui. Hein? Nous pas, qu'il doit adorer en rien excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne un autre verset qui dit, et adorer Allah, hein, et vouer lui en culte exclusif. Nous pas, qu'il doit adorer en rien en dehors d'Allah, même si kafir ou non, nous qui pas croyants, nous qui pas croyants en Allah et puis qui pas croyants en l'islam, même si ça n'a pas fait plaisir, nous pas supposés quitter adoration de Dieu unique seul. Nous supposons adorer Allah seul, même si nos croyants n'ont pas content avec nous. Après ça, il mentionne on l'autre hadith dans Bukhari et Muslim, qui rapportait selon Mu'ad, radiallahu anhu, qui était un grand compagnon de prophète là, qui dit, parmi droits de Allah, parmi droits que Allah vient sous nous, c'est que nous adorer lui seul et que nous pas associer un lien avec lui. Et ensuite, il mentionnait que parmi les principes de la foi en Allah, hein, il y a également ça que Allah t'est obligé nous et commandé nous pour nous faire et qu'il était ordonné toute serviteur pour y appliquer lui. Et il mentionnait par exemple 5 piliers de l'islam qui sont là le témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire témoigner que par exemple qui méritait l'adoration excepté Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est messager Allah. Ensuite, pour nous établir la salat, pour nous bailler la zakat, pour nous jeûner le ramadan et pour nous faire le hajj à la maison d'Allah à la Mecque, pour nous qui ait capacité pour nous faire. Et ensuite, il dit, ainsi que l'autre principe obligatoire qui est bien connu dans l'islam et dans la révélation que Allah t'a envoyé. Ensuite, Cheikh l'a dit, وَمِنْ أَهَمِّ هَذِهِ الْأَرْكَامِ وَأَعْظَمِهَا شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فمعناها لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، فتأمل ذلك جيدا وتدبره كثيرا ليتضح لك ما وقع فيه كثير من المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل، حتى عبدوا مع الله غيره وصرفوا خالص حقه لسواه، فالله المستعان. Donc, Cheikh l'a dit que parmi plus important, hein, plus important parmi tous les piliers que nous mentionnons, c'est le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Et les nous témoigner de la ilaha illallah, qui ça signifie, c'est le signifier que nous supposons by toute adoration nous à Allah seul et nous supposons refuser aux autres créatures en dehors d'Allah, nous pas supposons by aucune adoration à l'autre en dehors de Allah. Hein? Et Cheikh l'a dit que la signification de la ilaha illallah, les signifier que rien, pas grand, rien qui méritait que nous adorer lui, excepté Allah. Et tout ça qui adorait en dehors d'Allah, peu importe qui s'allie, même si son être humain, ou un ange, ou un djinn, ou un autre bagaille, peu importe qui s'allie, en dehors d'Allah, alors tout ça que nous adorons en dehors d'Allah sont bail qui faux, sont bail qui mensonge, ok, sont bail qui batil, en arabe nous dit batil, hein. Et seul ça que nous devons adorer, c'est Allah seul, hein, c'est créateur, c'est maître là, c'est lui-même qui met toute bagaille, donc c'est lui-même que nous devons adorer seulement, et nous pas devons prendre un intermédiaire ou un intercesseur entre nous-mêmes puis lui-même, hein, parce que c'est créature qui besoin d'un intermédiaire, son être humain, donc ou par exemple, il a besoin ouais un président, ou besoin d'allouer un roi, ou besoin un monde qui a introduit ou qui a présenté ou parce que ou même ou pas qu'un roi, ou pas qu'un roi puis roi pas qu'on est tout. Donc ou besoin d'un intermédiaire, et donc être humain, son être humain qui besoin d'intermédiaire, tant que roi yo, tant que l'autre monde yo, ministre yo, et l'autre bagaille. Mais Allah lui-même, il n'est pas tant que être humain, son créateur, il connaît tout le monde, il connaît toute bagaille. Et donc, il connaît tout. Et même si, yani, ou quoi que, par exemple, ou gain péché, ou gain bagaille qui pas bon, ou pas calé directement à Allah, Allah pas demandé ou pour prendre un intermédiaire, hein, parce que il connaît tout le monde, et il connaît tout ça, il a fait, et tout péché, il connaît, yo. Mais il voulait que nous adorions directement. Et si nous avons péché pour nous demander le pardon directement, nous pas besoin d'aller en prêtre pour nous dire ça nous t'est fait, que nous t'est fait tel péché, tel bagaille, pour nous pardonner. Nous, c'est Allah qui pardonne seulement et c'est pas un être humain. Donc nous pas besoin de prendre un intermédiaire entre nous-mêmes et Allah. Et roi, il pas connaît tout, il a besoin au monde pour introduire, qui pour présenter où, à lui-même. Pour lui dire, bon, monde ça, son monde qui besoin rencontrer ou parce que il y a tel problème. Mais Allah lui-même, il connaît ou mieux que ou qu'on peut être ou. Il n'a pas besoin au monde pour faire présentation avec lui-même. Hein? Donc, nous pas qu'à faire comparaison entre Allah et création. Faut nous croire dans Allah. Il faut nous adorer Allah seul et nous pas supposer prendre aucune intermédiaire entre nous-mêmes et Allah. Et là, on réfléchit bien comme il faut, puis là, nous observer pour qui ça, il y a un intermédiaire entre nous-mêmes et Allah. Nous réfléchit bien comme il faut, puis nous voit que nous qui mettez propre tête intermédiaire entre nous-mêmes et Allah, ou bien là, on nous prend un intermédiaire entre nous-mêmes et Allah. Eh bien, intermédiaire ça, la profiter de bail ça en pile. La prend en pile, la profiter de bail ça de plusieurs façons. L'imam des mouns comme, l'imam des mouns l'argent pour parler au nom de Dieu ou pour faire un bagage au nom de Dieu. Hein? Et donc, la profiter de bail ça, la profiter de message là, la profiter de religion hein, pour le faire comme avec moun. Hein? Et pour le gain, l'autre profit ou l'autre bienfait dans la vie, et tout bail ça yo pas gain aucune preuve et aucune autorité hein, dans la religion d'Allah. Et Allah pas jamais ordonné bagay ça yo. Et donc alhamdulillah, là nous réfléchissons bien comme il faut, nous voyons que l'islam vient pour libérer être humain de tout esclavage, de toute forme mensonge que être humain appaille au sujet de Dieu. Bon, Kounia, Cheikh Lan lui dit que nous supposons adorer Allah seul, et il dit que également, il mentionne un verset dans le Coran qui dit que Allah, c'est lui-même qui la vérité, c'est Dieu qui la vérité, et ça que nous avons évoqué en dehors de lui-même, c'est le mensonge qu'il n'a pas adoré. Hein? Et ensuite, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié message ça pour tout être humain et pour tout djinn, pour toute créature, et que bay ça, message ça, c'est message fondamental, c'est fondement, tout fondement, yo. C'est ça qui est plus important dans tout message prophète, yo. Et dans tout ça, Allah t'a révélé dans le livre, yo. Et si vous réfléchissez à bagay ça très bien, et que vous prenez le temps pour méditer sur signification ça nous sommes expliqués hein, ou pour aller voir très clairement que gen pile musulman jodi an que yo ignorant de principe fondamental ça et que yo commencé même propre musulman yo commencé malheureusement yo commencé pour yo associer avec Allah et pour yo adorer l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala hein et donc yo privé Allah de droit li c'est droit que pour nous adorer lui seul hein et donc si on a en pile pays musulman quoi le qui ça ou pas le que gain musulman qui dévient de l'islam qui dévient de message fondamental ça que nous nourrit le tawhid hein nourrit le tawhid c'est-à-dire l'unicité d'Allah le fait que nous croyons que Allah c'est lui-même qui doit pour nous adorer lui et pas rien qui doit adorer nous pas doit adorer rien en dehors d'Allah principe ça adorer le tawhid. Et qu'un pile musulman dans le pays arabe, dans le pays africain, dans le pays asiatique, dans l'autre pays, ils disent qu'ils sont musulmans. Mais là, ils ont un problème, ils allent dans la tombe en saint. Et ils peuvent faire le pèlerinage dans la tombe moun saint. Et ils croient que moun pieux ça ou moun ça ou qui est enterré, qu'ils ont un pouvoir et qu'ils ont qu'à aider. Et que donc, ils ont fait sacrifice pour Seigneur, et ils demandent Seigneur intercession, et ils font un pile l'autre bagage qui shirk, qui association avec Allah. C'est peut-être ça, nous supposons, connaître Seigneur très bien, et nous supposons étudier l'islam en profondeur avec Coran et Hadith, parce que sinon, les nouvelles dans le pays musulman, nous voyons ouais, qu'un pile musulman en Iran, hein, en Irak, au Maroc, en Algérie, en Afrique, dans n'importe qui pays arabe ou non arabe, même au Pakistan, en Inde, hein, nous parlons au Bangladesh ou en Asie, que ce soit yani, en Indonésie, en Malaisie, dans l'autre côté, nous parlons de musulmans qui naît dans l'islam, qui musulmans depuis des siècles, mais malheureusement, avec le temps, ils ont oublié. Principe fondamental islamien, et il y a un pile de musulmans qui ont dévié de l'islam, et ont commencé à adorer l'autre monde avec Allah. Et donc, c'est peut-être ça, pour nous prendre bagage, ça, pour nous bien étudier fondement l'islam, pour nous avertir de erreur, ça, pour nous pas tomber là-dedans, ok? Parce que nous connaissons en Haïti, il y a un pile de bagage tout, qui est en contradiction avec l'islam, dans le principe, dans la croyance haïtienne, que ce soit dans le voodooisme, ou bien dans l'autre croyance, que ce soit dans la franc-maçonnerie, ou que ce soit dans le christianisme catholique ou protestant ou l'autre religion. Et là, on nous entre dans l'islam. S'il n'y a pas une bonne compréhension de fondement islamien, il y a qu'à mélanger toutes idées sérieuses ensemble, et il n'y a pas qu'on qui j'en ai pour distinguer entre ça qui est vraiment dans l'islam et ça qui est mélangé avec l'autre idée qui est contraire avec l'islam. Donc, ça, c'est le premier courant que nous avons hein. N'a prêté là, n'a prêté ici, parce que nous arrivons à un point important. Mais n'a bien temps de continuer cette explication, ça, Inch'Allah, plus tard. Toutefois, aujourd'hui, hein, nous prêté là, n'a stoppé ici. Puis, n'a bien temps de continuer, Inch'Allah, en l'autre jour, pour nous continuer l'explication. Yo. Et pour nous clarifier tout principe religion, Inch'Allah. Et donc, Alhamdulillah, ça fait un peu de plaisir. Et puis, m'espérer que nous avons bien profité de tout ça nous t'a expliqué aujourd'hui. Hein, puis, nous demander à Allah pour lui accepter parole nous, puis action nous, au jugement dernier. Et pour le mettre toute action ça, et bon action nous. Non, balance-nous au jour du jugement dernier pour nous cadrer, Inch'Allah, au paradis avec sa permission. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bye salam pour tout musulman qui dans tout côté, que ce soit en Haïti, Saint-Marc, au Prince, au Cap, l'autre côté tout. Et aux États-Unis ou ailleurs dans l'autre côté, c'est Frenou, Abu Hamad, Suleiman, Damus, Al-Haïti. Et Inch'Allah, la bientôt, ouais encore dans l'autre occasion, Inch'Allah. Salam alaikum.